Qu'est-ce qui te manque le plus en prison? Oh, c'est pouvoir faire plus de sport. Moi, je suis une folle de sport. Je bats mes propres records et je suis contente. J'ai plus 20 ans, mais ça me fait plaisir. Je peux dire que je suis encore en bonne forme. Et puis, les parties de ping-pong. Franchement, le sport en prison, moi, je trouve que c'est très important. Bien dans sa tête, dans son corps, dans sa tête. Voilà, tout est lié. Voilà, et plus de rencontres, plus d'ateliers, et aussi plus de cours pour différents niveaux. Bien sûr, on parle ici de la prison, c'est une micro-société, où il y a toutes les nationalités, surtout ici à Birkendal. Il y a tous les milieux sociaux, etc. Milieux sociaux, je veux dire, des gens qui n'ont pas eu nécessairement la chance de faire des études pour différentes raisons. Mais alors, les formations, ce sont par exemple des formations certificats d'études de base ou le cours de français, c'est pour ces personnes-là. Et tant mieux, hein, c'est pas ça. On devrait avoir une école dans la prison. Oui, alors moi je trouve que ce qui serait bien aussi, c'est un cours d'éducation, de civisme, voilà, des choses comme ça. Plus dans la société, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne peut pas faire ça parce que c'est punissable par la loi. Et alors plus travailler, c'est peut-être le rôle du psychologue et tout ça, mais ça devrait être plutôt un programme presque imposé, par exemple le code pénal, enfin des choses comme ça, quoi, ou le permis de conduire, ou enfin, et alors aussi, ce qui manque aussi, c'est les petits gestes. Avant, on avait un atelier créativité, donc ce sont les petits gestes, fabrication de colliers en perles, de bricolage, donc ajuster deux pièces. Voilà, pardon, et ça, ce sont des petits gestes au quotidien. Si on ne recoupe pas soi-même un bouton, ce sont des petits gestes tactiles de sensibilité qu'on perd. Voilà, moi je trouve que c'est important aussi.